Quand j'y pense, il me semble avoir perdu toute lueur d'espoir. Quand j'y pense, je ne trouve plus la place où mon vide remplissait l'espace. Sommes-nous arrivés? Je sens comme un atterrissage. Je vois ton visage. Penses-tu rester, même si tu ne devais m'offrir qu'un faux sourire? Vers la piste d'envol, au-delà des vagues. Vers la piste d'envol, au-delà des vagues. La piste d'envol, au-delà des vagues. Vers la piste d'envol, au-delà des vagues. L'avenir confus. Au retour, quand plus rien ne brille, te savoir dans une autre ville. Sommes-nous arrivés? Je sens comme un atterrissage. Je vois ton visage. Penses-tu rester, même si tu ne devais m'offrir qu'un faux sourire? Vers la piste d'envol, au-delà des vagues. Vers la piste d'envol.